piliers, et que dire des autres fondements qui suivent? Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont dévié. Et parmi les gens qui ont dévié également, au sujet du tawhid, il y a les gens qui ont rajouté des catégories de tawhid qui n'existent pas. Ou bien, qui ont spécifié des catégories de tawhid pour se concentrer dessus, parce qu'ils ont en eux-mêmes des déviations qu'ils veulent mettre de l'avant, et ils veulent utiliser ça justement comme un moyen pour mettre de l'importance ou de la précédence sur des choses qui ne sont pas primordiales, qui ne sont pas en réalité disons des éléments à mettre de l'avant de cette manière, comme ceux qui ont ramené un nouveau tawhid qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya, qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya, c'est-à-dire le tawhid dans le fait que on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. On doit croire que c'est par la loi d'Allah seul qu'on doit juger, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui rend halal et qui rend haram, et que c'est son droit exclusif. Ça, ça fait partie du tawhid, et ça fait partie des éléments du tawhid. Mais c'est pas un tawhid individuel ou séparé des autres. Il ne sort pas des trois catégories qu'on a mentionnées. Il rentre d'une certaine façon dans tawhid al-rububiyya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-hakimiyya al-kawniyya, fait qu'il règne sur toute sa création et que rien ne sort de sa volonté et de son pouvoir. Et elle rentre dans tawhid al-ibadah, elle rentre dans l'adoration, puisque de juger selon la loi d'Allah, c'est une adoration et c'est une obligation. Donc ça rentre dans le tawhid, et aussi parce que c'est un des droits exclusifs d'Allah de rendre halal et de rendre haram. C'est lui seul qui a le droit de faire ça. Personne ne peut être législateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et légiférer ou rendre halal ou haram en dehors d'Allah. Mais on ne peut pas en faire une catégorie spécifique. Les gens, parmi les gens de bid'a d'aujourd'hui, comme ceux qui ont suivi la tendance des khawarij, comme les qutbiyyin, ceux qui suivent Sayyid Qutb dans son tafsir fi dilal al-Qur'an, qui a fait le takfir, qui a déclaré mécréante la umma en entier, en se basant sur une mauvaise compréhension des versets qui parlent de Al-Hakimiyya, par exemple. Ou bien, ce qu'on appelle les Sururiyya, ceux qui suivent la tendance de Mohammed Zain Abidin Surur, qui était lui-même un des gens qui ont suivi Sayyid Qutb, et qui ont suivi les Ikhwan al-Muslimoun, une secte qu'on appelle les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Qui l'ont assaisonné avec un peu de salafia, mais qui l'ont mélangé avec plein d'autres idéologies de principes qui sont opposées avec les fondements de la salafia. Comme par exemple, justement, de faire le takfir des dirigeants, de faire le takfir des musulmans parce qu'ils font des grands péchés, ou parce qu'ils persistent à faire des grands péchés. Et eux, ils considèrent que, parce que ces gens-là font ce grand péché-là, devant les gens, ou bien publiquement, ou bien parce qu'un gouvernement dans un certain pays, dans un certain pays, on retrouve des péchés qui sont présents dans la société. Eux, ils utilisent ça comme une preuve que ces gens-là l'ont rendu licite, et ils déclarent ce pays-là mécréant par la suite. Ou bien ils ont des extrêmes, des façons extrémistes de comprendre al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et de prendre les croyants pour alliés et de se désavouer des koufars. Ils ont des compréhensions extrémistes au sujet de cette notion-là. Donc, ils font sortir de l'islam des gens pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Et donc, ils tombent dans le takfir en se basant sur ces éléments-là. Où il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent salafis. Donc, tous ces groupes-là, les Sururiyya, les Qutbiyya, ce sont des gens qui se disent parfois salafis, puis en même temps qui combattent la salafia. Ils se prétendent salafis, mais ils combattent la salafia. Et ils détestent les salafis. Et ils détestent les ulama salafiyyins. Et ils les insultent, et ils les rabaissent, et ils leur donnent des sobriquets et des noms injurieux, ou des noms rabaissants pour les moquer et pour les rabaisser. Comme ce qu'ils disent à propos des ulama d'Ahlus Sunnah qui défendent la salafia, qui défendent le Coran. Ils disent à leur sujet que ce sont des savants qui ne connaissent que le sang des femmes. Ça, les Mu'tazila l'ont dit à l'époque avant eux. Mais ils le répètent aujourd'hui, ils suivent leur salaf sous, leur mauvais salaf, les Mu'tazila et ceux qui leur ressemblent. Hein? Et la même chose aussi, hein? Par exemple, du fait que ils font sortir de l'islam des individus et ils prétendent se baser sur des paroles des ulama qui sont salafis pour essayer de justifier leur takfir. Hein? Sans toutefois prendre en considération les fondements et les principes de ces savants-là au sujet du takfir. Donc par exemple, ils vont prendre... En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une sorte de... un pot pourri. Ils réunissent des paroles à gauche et à droite. Ils mélangent toutes ces paroles-là ensemble. Et puis, ils font un petit tour de passe-passe. Et puis, ils te sortent une fatwa pour déclarer un individu kafir. Alors qu'ils n'ont pas établi la preuve. Alors qu'ils ne connaissent même pas les principes et les fondements qui sont reliés à ces questions-là. Et ils donnent à ces paroles de ulama des conclusions que ces savants-là n'ont jamais données. Hein? D'accord. Donc ça c'est, par exemple, juste au sujet du tawhid, on a vu que, déjà là, on a fait rentrer dans les groupes qui ont dévié de la voie des salafs tous ces groupes-là. Donc on va maintenant énumérer les autres. Bon, sur les autres piliers, il y a eu des gens qui ont dévié aussi. Donc, par exemple, la foi en Al-Malaïka ou bien en Al-Kutub, les livres ou les messagers. Hein? Il y a des gens qui ont dévié sur ces questions-là. Sur la foi en le jour dernier, sur la foi en le Qadar, sur la foi en ces choses-là. Donc il y a eu des déviations. Par exemple, surtout à propos du Qadar, il y a des sectes comme Al-Jabriya et les sectes comme Al-Qadariya qui ont dévié à ce sujet-là. Certains ont exagéré dans l'affirmation du Qadar, d'autres ont exagéré dans la négation, ou dans l'affirmation de la volonté du serviteur. Donc ils ont dévié dans l'autre extrême, celui des Qadariyah. Et parmi ces groupes-là, il y a les Mu'tazila, par exemple, qui ont nié le Qadar, et il y a les Jabriyah, qui ont exagéré dans l'affirmation du Qadar, comme les Jahmiyah, et les Asha'ira, et certaines autres sectes aussi. Ça, c'est le premier fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le premier fondement, c'est Al-Iman. Le deuxième fondement des fondements, le Cheikh il mentionne, Al-Asr al-Thani min usul Ahlus Sunnati wal Jama'a, anna al-Iman qawlun wa amal wa i'tiqad, yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Le deuxième fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est la définition de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi selon Ahlus Sunnati wal Jama'a, selon les Salafiyoun, selon les Salaf al-Salih, selon Ahlul Hadith? C'est que la foi, c'est une parole, une action et une croyance. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et dans ce fondement-là, ils se sont opposés aux groupes qui ont dévié. Parmi les Khawarij, qui ont fait sortir de la foi toute personne qui commettait un grand péché. Ce sont des extrémistes. Ils ont fait sortir de la foi toute personne parmi les musulmans qui commettait un grand péché. Et ils ont rendu leur sang et leur bien licites. Hein? Et donc, ça c'est yani le premier fondement, ça c'est les Khawarij. Après, il y a les Mu'tazila. Ils ont dit que dans l'au-delà, ils ont des koufars, ils vont dans l'enfer pour l'éternité. Les Mu'tazila, eux, ils ont dit non, il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, celui qui fait des grands péchés. Il est entre les deux. Donc ils ont inventé cette bid'a de dire qu'il est entre les deux. Puis ils disent que dans l'au-delà, il sera dans l'enfer pour l'éternité, comme les Khawarij. Puis il y a les Murji'a, qui sont l'autre extrême, qui ont dévié dans le fait de dire que la foi, c'est uniquement dans le cœur. Hein? C'est uniquement dans le cœur, et puis tout le monde est égaux dans la foi. La foi, elle augmente pas, elle diminue pas. Les prophètes, les anges, les pécheurs, les mécréants, hein, ben, pas les mécréants parce que les mécréants ils n'ont pas de foi, mais les pécheurs, les gens qui font des crimes, hein, les gens qui ont des grandes foi comme les salihoun, les awliya, les prophètes, les anges, ils disent tous ceux-là sont égaux dans leur foi, ils ont la même foi. Et ensuite ils disent que peu importe ce que tu fais comme péché, ça ne fait pas diminuer ta foi. Et la foi, c'est juste ce que tu as dans le cœur. Donc, tu peux voir quelqu'un parmi eux, il ne fait rien des actions obligatoires, il fait tout ce qui est interdit. Et quand tu lui dis, Ya akhi, tu dois faire la salat, ou Ya akhi, ça c'est haram, il dit, Ya akhi, al-iman fil qalb. Ou mon frère, la foi, c'est dans le cœur seulement. Donc, même si tu me vois faire tout ce qui est haram, et même si tu me vois faire rien de ce qui est obligatoire, ça se peut que je suis plus croyant que toi, ou j'ai la même foi que toi. Et donc, ce n'est pas les actions qui déterminent qui est croyant ou non, c'est seulement ce que tu dis avec ta langue, hein, ou certains disent c'est seulement ce que tu as dans ton cœur. Il y en a qui disent le cœur et la langue, et d'autres qui disent seulement le cœur. Et ces groupes-là sont, par exemple, les Jahmiyyah, qui sont les plus extrêmes, qui disent que la foi c'est juste la connaissance. Il y a ensuite les Asha'ira, et d'autres qui disent que c'est seulement de croire dans le cœur. Puis il y a d'autres également qui ont des degrés différents d'égarement à ce sujet-là. Puis la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hein, à ce sujet-là. Et ça nous amène au troisième fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimina illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al-islam. Amma ma kana min al-kaba'ir allati hiya duna ash-shirk ولم يدل دليل على كفر مرتكبه كترك الصلاة تكاسلا فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان. Donc le cheikh il dit que les gens d'Ahl al-Sunna ils ne déclarent personne parmi les musulmans qui ont commis un grand péché comme étant kafir, excepté s'il a commis quelque chose parmi les choses qui annulent l'islam d'un individu. Hein? Toutefois, c'est-à-dire qui a contredit, par exemple, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, bien qu'il a commis quelque chose qui fait qu'il sort de la foi et de l'islam. Mais si c'est quelque chose qui est moins grave que le shirk, hein, ou qui n'a pas rapport avec ce qui fait sortir de la foi, comme par exemple celui qui abandonne la prière par paresse, par exemple, comme certains ulama ont mentionné ça parmi ceux qui fait sortir de l'islam, alors ceux-là, ils jugent à leur sujet qu'ils ne sont pas koufas si ils n'ont pas commis ces choses-là. Ils n'ont pas, t'as pas commis de kouf, t'as pas commis de shirk, t'as pas abandonné la salat, pour eux, ils considèrent que tu es un musulman, même si tu as commis des grands péchés. Sauf qu'ils vont dire que ta foi elle est faible et que tu es un pécheur, mais ils ne te font pas sortir de l'islam. Et le cheikh il dit وَإِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا فَإِنَّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَلَكِنَّهُ لَا يُخَلَّدْ فِي النَّارِ قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Le cheikh il dit que les gens de Ahl al-Sunna ils disent que si la personne qui a commis des grands péchés, il meurt sans s'être repenti, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, Allah va lui pardonner et lui faire rentrer au paradis direct. S'il veut, il va le châtier un certain temps dans l'enfer. Mais il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. Comme Allah il dit dans le verset 48 dans Surah An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais il pardonne en dehors de ça tout autre péché à qui il veut. Mais donc ça c'est la voie d'Ahl Sunnah, qui est la voie du juste milieu, et elle s'oppose à la voie des Khawarij qui font le takfir de ceux qui font des grands péchés, et elle s'oppose aux Murji'ah qui disent que le croyant qui commet des grands péchés il est parfait et il a une foi complète et que le péché ne nuit pas à la foi. Ça, c'est deux extrêmes. Le troisième fondement parmi les fondements d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, min usuli Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, wujubu ta'ati wulat al-umur. ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيما فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها عملا بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد Donc, le Cheikh, il mentionne que parmi les fondements d'Ahl-Sunnah, parmi les choses qui distinguent Ahl-Sunnah wal Jama'a des gens de Bid'a, il y a ce fondement qui est l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans tant qu'ils n'ont pas ordonné de commettre un péché. Et lorsqu'ils ont ordonné de faire un péché, il n'est pas permis de les obéir, mais l'obligation de leur obéir dans le bien continue et reste. Même si, en passant, même si ces dirigeants-là sont des dirigeants qui sont injustes et qui font de l'injustice, on les obéit dans le bien, mais pas dans le péché. Et il mentionne le verset 59 dans Sourate An-Nisa à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et il mentionne également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Je vous enjoins ou je vous ordonne de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est au pouvoir sur vous est un esclave. » Et donc ça c'est parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et ceux qui opposent à ce sujet-là aujourd'hui sont les Khawarij, la secte des Khawarij qui font le takfir des dirigeants et qui refusent d'obéir à un dirigeant si ce dirigeant-là commet des péchés ou fait de l'injustice. Et ils rejettent son autorité absolue, de façon absolue, et ils cherchent tous les moyens, ils cherchent par tous les moyens de les renverser ou de les combattre ou d'appeler à la rébellion ou de mentionner leurs fautes et leurs péchés ou de les insulter publiquement ou en secret, et ils appellent à ce genre de choses. Ça c'est la voie de la secte des Khawarij, et on en retrouve des sectes aujourd'hui parmi les groupes musulmans ou les associations musulmanes qui se disent être sunnites mais qui ont contredit justement les fondements d'Ahl-Sunnah à ce sujet-là. Parce qu'il y a un consensus de tous les imams des salafs à ce sujet. Et il y a par exemple les sectes comme les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, qui ont basé leur mouvement et leur groupe sur la bid'a des Khawarij, d'opposer les gouvernements et les dirigeants au nom de la démocratie et au nom parfois des coups d'État ou du socialisme ou d'autres tendances anarchistes ou autres. Ils suivent les mêmes influences que ces kuffars, et ils utilisent même parfois les méthodes des ismaélites et des autres groupes ésotériques qui ont dévié à travers l'histoire, ou les manières également des rafidahs qui appellent souvent à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants. Donc tout ça c'est des gens qui sont sur la bid'a des khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné par le terme des chiens de l'enfer. On a dit que ce sont les chiens de l'enfer. Ceux-là ne sont pas des salafis, même s'ils se disent salafis, même s'ils veulent se prétendre salafis, comme ils le disent aujourd'hui, les salafis djihadis, ce genre-là sont ni salafis, ni djihadis. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec les salafis salih, puisqu'ils sont des khawarij, et qu'ils font le takfir des dirigeants et des musulmans pour des péchés. Ça, c'est pas la aqida des salafis. Et ils font pas le djihad non plus, parce que souvent ce qu'ils font c'est juste de sortir sans la permission du dirigeant et de faire des petits groupes armés pour opposer justement le pouvoir des dirigeants et de faire d'utiliser ces moyens-là pour faire des dissensions à l'intérieur des pays musulmans et pour faire du désordre également à l'extérieur des pays musulmans et mettre les conflits, et créer des conflits entre les musulmans et les kuffars sans la permission et sans l'ordre et sans les consignes, sans écouter les consignes et l'autorité du dirigeant musulman. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les dirigeants sont kuffars, donc ils se donnent à eux-mêmes l'autorité. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font pour arriver à ça? C'est en premier de faire le takfir des savants de l'islam et de rabaisser les savants de l'islam. Une fois qu'ils ont réussi à discréditer les savants selon des choubouhats qu'ils lancent, des ambiguïtés qu'ils donnent, pour faire perdre aux gens la confiance qu'ils doivent avoir en leurs savants, ils se mettent eux-mêmes à la place des savants par la suite, comme des ignorants, et appellent les gens à l'égarement par la suite, en essayant de rendre halal ou de justifier le meurtre, les attentats terroristes, hein, et tout ce genre de pratiques qui sont les tendances des jeunes bid'ah, des khawarij et des autres groupes de ces sectes. Et ils vont par la suite essayer de faire croire que ces méthodes, hein, font partie du djihad, alors que ce n'a rien à voir avec le djihad. Et ça nous amène au cinquième fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Hein, il dit justement dans le quatrième et là dans le cinquième aussi, mais on va finir avec le quatrième. Il dit à la fin, وَيَرَوْنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادِ مَعَهُمْ وَالدُّعَاءِ إِلَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْاِسْتِقَامَةِ. C'est-à-dire les gens d'Ahl Sunnah, ils considèrent que ces dirigeants-là, même s'ils ont des fautes ou des péchés, ils considèrent qu'il faut continuer à faire la salat derrière eux, à faire le djihad avec eux, derrière eux, et non pas en dehors de leur ordre, ou de le faire par nous-mêmes, de former des sectes ou des groupes ou des organisations musulmanes pour faire ça sans avoir la permission ou l'autorisation du dirigeant. Et on considère également qu'il faut faire des du'as pour eux, pour qu'Allah les améliore et les mette sur le droit chemin. Et il faut également, parmi les fondements de Ahl Sunnah à ce sujet-là, leur donner la nasiha, et non pas de les insulter ou de faire des du'as contre eux. Hein? Donc le cinquième pilier, comme je disais maintenant, c'est, il dit, « Wa min usuli Ahl Sunnah wal Jama'a » تحريم الخروج على ولاة الأمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. Donc, le Cheikh il dit comme cinquième point que parmi les fondements d'Ahl Sunnah, il y a l'interdiction de se rebeller ou de sortir contre les dirigeants avec des armes, hein, ou bien par la parole ou autre moyen, lorsqu'ils ont commis un péché ou quelque chose qui est contraire à l'islam, qui ne rentre pas dans le kufr, à cause de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'obéir aux dirigeants dans tout ce qui n'est pas un péché, tant qu'il n'y a pas un kufr clair qui a été commis de la part de ce dirigeant-là. Donc, ceux qui s'opposent à cette voie, ce sont les Mu'tazila et les Khawarij, qui ordonnent aux musulmans de se rebeller contre un dirigeant s'il a commis un péché quelconque parmi les grands péchés, même si ça ne fait pas partie du kufr, hein, et ils pensent que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, alors qu'en réalité, c'est un grand mal, hein, et c'est de remplacer un mal par un mal plus grand que celui qu'on veut éliminer, et ça amène des conséquences très très néfastes et mauvaises, comme le chaos dans la société, le désordre social, la divergence entre les musulmans, et ça fait en sorte par la suite que les koufars, à cause de notre faiblesse, par la suite notre division, ils profitent de ça pour prendre le pouvoir sur nous. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire des musulmans, parce qu'ils ont opposé justement ce fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Le sixième fondement, ومن أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Hein, le prophète, donc le cheikh il dit que parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il faut avoir le cœur qui est en paix et la langue également, mentionner que le bien au sujet des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah les a décrits dans son livre en mentionnant les muhajirin et les ansar. Il a fait leurs éloges en disant dans le verset 10 dans surat al-Hashr que ceux qui sont venus après eux, ils disent, notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met pas aucune haine ou rancune dans notre cœur, hein, pour ceux qui ont cru, ô notre Seigneur, tu es certes, hein, l'indulgent et le miséricordieux. Et également, la preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit, n'insultez pas mes compagnons parce que par celui qui tient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous donnait en charité la quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de main de ce que donne l'un d'entre mes compagnons, ou même la moitié d'une poignée de main. Donc ça, c'est par opposition, le cheikh dit, خلافاً للمبتدعة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء وهذا الترتيب. Le cheikh il dit, contrairement à ceux qui parmi les gens de bid'a comme les rafida et les khawarij qui insultent les sahaba et qui nient leur mérite. Hein? Donc les gens d'Ahlus Sunnah considèrent que les khulafa après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali radiallahu anhum ajma'in. Et quiconque nie ou attaque le khilafa d'un d'entre ceux-là ou qui nie l'ordre dans lequel ils sont apparus ou ils sont venus, alors dans ce cas-là, il est plus égaré que la mule de sa famille ou que l'âne de sa famille, à cause du fait qu'il a contredit le texte et qu'il a contredit le consensus des salafs, hein, au sujet de l'ordre des khulafa. Al-Aslu Sabi', le septième fondement parmi les fondements d'Ahlus Sunnah, ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أذكركم الله في أهل بيتي ومن أهل بيته أزواجه وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فقد قال الله بعد ما خاطبهن بقوله يا نساء النبي ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Le cheikh il dit que parmi les fondements d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a le fait d'aimer la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de les défendre et de les prendre pour alliés, en utilisant ou en se basant sur le testament ou bien le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les gens, les sahabes après et ceux qui viennent après de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de sa famille, comme c'est mentionné par l'imam Muslim et l'imam Ahmad et d'autres parmi les ulama qui ont rapporté ce hadith. Et parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit calculer également les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les mères des croyants, que Allah soit satisfait d'elles. Parce que les rafida, ils les excluent de Ahlul Bayt. Ils excluent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier Aïcha radiyallahu anha et Hafsa, il les exclut des mères des croyants et il les insulte. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 32 dans surat Al-Ahzab, il les a calculés parmi les gens qui font partie de Ahlul Bayt. Il s'adresse à elle en disant « Oh, épouse du prophète ». Et il dit dans le verset 33, hein, justement, qu'elles font partie de Ahlul Bayt. Il dit « Allah veut uniquement éloigner de vous toute impureté et il veut vous purifier hein, d'une purification totale ». Donc ça c'est le verset 33 dans surat Al-Ahzab qui prouve qu'elles font partie de Ahlul Bayt. Donc il y a d'autres points, mais bien entendu je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Le point numéro 8, At-tasdiq bi karamat al-awliya, c'est-à-dire parmi les fondements d'Ahlul Sunnah, c'est qu'on doit croire aux prodiges que font les hommes pieux et les hommes pieux, c'est-à-dire ils font des choses qui sont hors de l'ordinaire comme des prodiges. Et ça, ça a été nié par les Mu'tazila et les Jahmiya, et des gens qui se disent soi-disant rationnels, des rationalistes qui nient justement la possibilité de ce genre de karamat, qui nient même parfois même les miracles, et par opposition à ceux aussi parmi les sorciers et les gens de la sorcellerie ou de la superstition qui qualifient de karamat ou de prodiges les trucs de sorcellerie ou de magie que font les shayatines et les dajjalin, et ils ne font pas de distinction entre les karamat et les sha'waza, les charlatanismes ou la sorcellerie. Donc ils mélangent les deux. Donc ça c'est deux extrêmes, les Mu'tazila et les Jahmiya qui nient les karamat, et les soufiya et les gens de bid'a qui exagèrent et qui font rentrer même dans les karamat des choses qui font partie de la sorcellerie et de l'égarement, et les gens d'Ahlul Sunna qui sont entre ces deux extrêmes qui affirment les karamat sans tomber toutefois dans l'exagération. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le neuvième fondement parmi les fondements d'Ahlul Sunna, min usul Ahlul Sunna wal Jama'a في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Donc le cheikh il dit parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait de se baser sur le Coran et sur la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour prouver des choses dans l'islam et dans la charia. La preuve à laquelle on se réfère, c'est la preuve du Coran et de la Sunna, et dans sa compréhension intérieure ou bien disons dans sa compréhension qui est intérieur et apparent. On suit ça de façon apparente et de façon intérieure. Et on le suit selon la compréhension de ce que suivaient les Sahaba et les Muhajirin et les Ansar en général, et de ce que suivaient les Khulafa Ar-Rashidin en particulier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de les suivre dans le hadith bien connu dans lequel il dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Et il dit وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامَ رَسُولِهِ كَلَامَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلِهَذَا سُمُّ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Ils ne font passer devant la parole d'Allah, devant la parole de son messager, la parole de quiconque parmi les hommes. On ne fait pas passer la parole de quelqu'un avant la parole d'Allah et de son messager, et c'est pour cette raison-là qu'on nous appelle les gens du livre et de la sunna. وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة فهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. C'est-à-dire que ils ne font passer rien devant comme on a dit, le Coran et la Sunna, et après avoir pris le Coran et la Sunna, ils prennent également les choses sur lesquelles les ulama de la Ummah se sont tous mis d'accord, en particulier les Sahaba. Hein, et ça, c'est le troisième fondement, al-ijma', le consensus. Et ils se basent sur ce fondement-là après les deux premiers fondements, le Coran et la Sunna. Et toute chose sur laquelle les savants ou les gens ont divergé, ils le ramènent au Coran et à la Sunna pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans les moments où il y a des divergences. Comme Allah nous ordonne de le faire dans le verset 59, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, et ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Il dit, فهم لا يعتقدون العزمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة ويعتقدون أن المجتهد يخطي ويصيب ويسمون ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم. Donc الشيخ il dit, et il ne croit pas que quelqu'un soit infaillible autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne s'accroche pas fanatiquement à l'opinion de quiconque, jusqu'à ce que cette opinion soit en accord avec le Coran et la Sunna. Et il croit que le mujtahid, le savant qui a atteint un grand niveau de science et une grande capacité dans la compréhension, il croit que le mujtahid, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et il ne permet pas à tout le monde de faire l'ijtihad. Ils permettent uniquement à ceux qui possèdent les conditions et les connaissances nécessaires parmi les hommes de science de faire l'ijtihad. Donc il faut des conditions et il y a des connaissances nécessaires pour le faire. C'est pas tout le monde qui peut faire l'ijtihad. Wala inkara indahum fi masail al-ijtihad as-sa'ir. فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع بل يجب بعض بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية بخلاف أهل البدع فإنهم يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم. لشيخ التي ك on n'a pas à condamner les autres par rapport à des divergences qu'ils ont au sujet des questions qui sont basées sur une ijtihad qui est valable. La divergence, la divergence qui existe dans les questions d'ijtihad, les questions d'ijtihad, ça veut dire les questions de jugement entre les ulama. Lorsqu'il n'y a pas de texte explicite et clair à leur sujet, ils vont faire des ijtihad. Et ben, ces questions d'ijtihad entre les ulama, ça ne doit pas amener, quand ce sont des ulama d'Ahl Sunna, ça ne doit pas amener des raisons pour la divergence ou de se couper les liens entre nous, comme le font certains fanatiques parmi les gens de bid'ah. Au contraire, on doit s'aimer les uns les autres et se défendre les uns les autres, être alliés les uns les autres et prier les uns derrière les autres malgré ces divergences dans certaines de ces questions d'ijtihad qui n'entrent pas dans les questions qui sont reliées aux principes fondamentaux de la religion. Contrairement aux gens de bid'ah qui s'opposent et qui déclarent égarés et qui déclarent kuffar toute personne qui les contredise, peu importe dans quel domaine. Bien entendu, si quelqu'un, je rajoute ça ici pour clarifier, bien entendu, si quelqu'un rajoute ou enlève des choses dans la religion, dans ce cas-là, c'est sûr, si ça fait partie des choses qui sont explicites et claires dans le Coran et dans la Sunna, et dans la Aqidah d'Ahl Sunna, et dans les fondements d'Ahl Sunna, et si ça fait partie des choses qui sont établies par consensus entre les salafs, alors personne par la suite a le droit de diverger là-dessus. Et là, bien entendu, il doit y avoir une déclaration d'égarement, ou bien ça dépend selon le degré de la contradiction, si c'est kufr ou shirk, ou si c'est une bid'a, alors là c'est sûr qu'il y aura une animosité ou une opposition. Mais si c'est des questions d'ijtihad, hein, là c'est autre chose. Ça ne doit pas nous amener à se détester les uns les autres à cause de ces choses-là. Donc ça c'est par rapport aux fondements. Et il faut mentionner que les fondements que le Cheikh a mentionné, Cheikh Al-Fawzan a mentionné dans cette risala, ne sont pas les seuls fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est uniquement les plus importants ou les plus connus parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a ou de cette da'wa ou de ce manhaj qu'on appelle le manhaj des salaf. D'accord? Donc si quelqu'un respecte ces fondements-là et ces principes-là, il va être considéré comme étant un salafi. Mais s'il s'oppose à ça, il ne va pas être considéré comme étant un salafi. Et on va, juste pour clarifier, je sais que j'ai pris beaucoup de temps et que j'ai dépassé le temps prévu, mais étant donné que c'est tellement important, il y a des choses qui doivent être expliquées, je vais juste faire quelques petites clarifications encore, mentionner quelques textes, et puis après, on va s'arrêter, Inch'Allah. La question, par exemple, de qu'est-ce qu'on peut comprendre qui sont les salafis et qu'est-ce que c'est la salafia par son contraire. Comme on a mentionné des exemples de ça déjà dans qu'est-ce qu'on a expliqué des paroles du Cheikh Al-Fawzan, on peut comprendre qu'est-ce que c'est la salafia par qu'est-ce qui s'oppose à la salafia, c'est-à-dire les groupes et les sectes d'égarement. Hein? Et on va citer quelques textes à ce sujet-là. Le Cheikh il mentionne un hadith. Le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne justement dans le livre « Muhadarat fil aqida wa da'wa » le volume 3, hein, dans une risala qui s'intitule « Lamhatun anil firaq al-dalla » c'est-à-dire il fait un petit résumé des sectes d'égarement et il mentionne donc à la page 342 certains hadiths, il commence à énumérer des hadiths qui prouvent l'obligation de suivre les salafs. Il dit « Yani » وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres, et c'est un hadith connu de Hudhayfa dans lequel Hudhayfa dit que les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah au sujet du bien. Toutefois moi je demandais toujours au sujet du mal par crainte de tomber, hein, par crainte que le mal m'atteigne. Et il dit, alors j'ai dit, ô messager d'Allah, nous étions dans la jahiliya et dans le mal, et Allah nous a ramené ce bien. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui. Alors, il a dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui. Mais il y aura hein, de la brume dedans, ou quelque chose de fumé, ou quelque chose comme ça. Ce ne sera pas clair. Il a dit, alors, qu'est-ce que c'est cette fumée ou cette brume? Il a dit, ce sont des gens qui se basent sur autre que ma sunna et qui guident par autre que ma guidance. Il y a des choses que vous allez accepter d'eux et d'autres que vous allez condamner ou rejeter. Alors, il a dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un, et est-ce qu'après ce bien dans lequel il y aura de la brume, est-ce qu'il y aura un mal? Il a dit oui. Des gens qui appellent aux portes de l'enfer, ceux qui les appellent, ceux qui répondent à leur appel seront jetés dedans, seront jetés dans l'enfer. Il dit, ô messager d'Allah, décris-les pour nous. Il dit, oui, ce sont des gens qui sont de notre origine, de notre peuple, de notre peau, hein, même peau que nous, même couleur que nous, et qui parlent la même langue que nous. Hein? Et il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire si j'arrive et je vois ces choses-là, hein, ces gens-là. Il dit, tu dois rester avec la jama'a des musulmans, le groupe des musulmans, et leur imam. C'est-à-dire, tu restes avec les musulmans et leur imam. Il a dit, et si ils n'ont pas de jama'a ni de imam, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'imam. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, alors tu te désavoues de tous ces groupes et de toutes ces sectes, et tu, même si tu dois mourir en étant en train de mordre le tronc d'un arbre, alors tu restes de cette manière-là, hein, jusqu'à ce que tu meurs. Et donc, le Cheikh il dit, ma'rifa tul firq wa madhahibiha wa shubuhatiha wa ma'rifa tul firqat al-najiya ahl al-sunnah wal jama'a wa ma hiya alayh fihi khayr kathir lil muslim. لأن هذه الفرق الضالة عندها شبهات وعندها مغيرات تضليل مغريات تضليل فقد يغتر الجاهل بهذه الدعايات وينخدع بها فينتمي إليها كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث حذيفة هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا فقال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que donc c'est nécessaire de connaître ces sectes qui ont dévié et qui ont contredit, hein, la voie, le groupe sauvé, les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a ou les Salafiyoun et ceux qu'ils suivaient, parce que il y a un grand bien là-dedans pour les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de sectes qui ont des choubouhats et des ambiguïtés et qui appellent les gens à l'égarement. Et quelqu'un qui est ignorant et qui ne connaît pas leur déviation risque de se laisser tromper par leur slogan et par leur tromperie, et il commence à s'affilier avec eux et à les suivre. Et c'est pour ça que Hudhayfa a mentionné ce qu'il a dit dans le hadith, en disant qu'il y aura des gens qui appellent aux portes de l'enfer, hein, et que ce sont des gens de notre peuple qui parlent la même langue que nous, ainsi de suite. Ensuite, il dit, فَالْخَطَرُ شَدِيدٌ وَقَدْ وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ ذَاتَ يَوْمٍ كَمَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَادِ بْنُ سَارِيَةَ أَنَّهُ وَعَظَهُمْ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَظَفَرَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٍ فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh explique ici que le danger il est grand pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons un jour, dans le hadith qui est connu comme étant le hadith de Al-Arbad ibn Sariyah, il a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exhortation, hein, touchante, et que les cœurs ont tremblé, que les larmes ont coulé des yeux. Ils ont dit, ô messager d'Allah, c'est comme si tu nous exhortais avant de mourir, alors donne-nous un conseil. Et il a dit, je vous conseille de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est votre dirigeant est un esclave, hein, parce que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous fermement à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, parce que toute nouvelle chose est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Hein. Donc ça c'est pour expliquer que il y a des divergences qui vont apparaître et qu'il faut suivre la sunna. Hein, et il faut suivre la sunna des khulafa aussi. Donc il faut suivre la compréhension des salaf al-salih. Et il nous a, le cheikh il mentionne ensuite les versets qui ordonnent de s'unir et qui interdisent de se diviser. Et il mentionne par la suite, il dit « وَجَاءَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةَ تَأْمُرُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ » Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rester avec la jama'a, d'être unis et de ne pas se diviser. Et qu'il dit ensuite, à chaque fois que la division est mentionnée dans le Coran, il dit « وَمَا جَاءَ التَّفَرُّقْ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِلَّا مَذْمُومًا مُتَوَعَدًا عَلَيْهِ » وما جاء الإجماع الاجتماع على الحق والهدى إلا محمودا وموعودا عليه بالأجر العظيم. Donc il dit, chaque fois que la division est mentionnée dans le Coran, c'est pour être blâmé et pour être menacé, ceux qui se divisent. Tandis que l'unité, le fait d'être unis sur la vérité et la guidance, n'est mentionné que pour être glorifié et pour avoir une promesse de récompense énorme à son sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous a mentionné qu'il y allait avoir des divisions, mais il nous a dit qu'il faut rester unis et s'accrocher à la jama'a. Et la jama'a, c'est quoi? La jama'a, c'est la vérité. Le cheikh explique, il mentionne, il dit, وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين أو ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Al-Lalakai et par beaucoup d'autres également parmi les ulama, et c'est un hadith qui est mentionné dans Silsila de la Hadith al-Sahiha. Cheikh al-Albani a fait le tahrij et le tahqiq de toutes ces différentes narrations et il mentionne que c'est sahih. Hein? Et il dit donc que les Juifs, Bani Israël, se sont divisés en 71 sectes. Pardon, il dit ici en 72 sectes. Et il dit que, oui, c'est ça, 72 sectes. Et il dit que cette Umma va se diviser en 73 sectes. Il y a d'autres narrations qui mentionnent les Juifs en premier comme étant 71 et les chrétiens 72 et cette Ummah en 73 sectes. C'est ça qui est important, que cette Ummah sera divisée en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils ont dit, les sahaba ont dit au messager d'Allah, laquelle sera au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que c'est ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc c'est de suivre ce que je suis moi aujourd'hui et de suivre ce que suivent mes compagnons. Ça c'est la vérité. C'est ça qu'on doit suivre et c'est ça la salafia. C'est ça la salafia, c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Donc le cheikh il explique ça, il mentionne des preuves à ce sujet-là. Hein? Donc il y a d'autres preuves également que le cheikh mentionne, qui prouve que ce groupe-là, c'est le groupe sauvé, et il mentionne que ce sont les Sahaba, et ceux qui les ont suivis. Il mentionne des versets comme le verset 100 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. Hein? Donc il dit ici, il mentionne ce verset, il dit ceux qui ont précédé dans la foi, parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Hein? Donc ça c'est une preuve qu'il faut suivre les muhajirines et les ansar si on veut avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man khalafa manhaj al-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar fa innahu yakunu min al-dallin. Celui qui contredit leur voie, il est parmi les égarés. Et il y a également d'autres versets dans le Coran, comme par exemple le verset dans le cheikh ici ne l'a pas mentionné, mais il le mentionne dans d'autres occasions, et beaucoup d'ulama l'ont mentionné également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission et s'oppose au messager, quiconque fait scission et s'oppose au messager après que la vérité lui a été clarifiée, la guidance lui a été clarifiée, et qu'il suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire les croyants c'est les sahaba, parce qu'à l'époque il n'y avait que les sahaba qui étaient des mu'minis, donc ceux qui suivent autre que la voie des croyants, et ça vient rajouter quelque chose, hein, ça vient rajouter que celui qui suit le Coran et la Sunna mais qui ne suit pas la compréhension des salafs, il n'est pas sur le droit chemin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. On va le laisser se détourner comme il s'est détourné et on le brûlera dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça c'est une preuve aussi qu'il faut suivre les salafs. Et il y a également le verset le hadith pardon dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui vont s'opposer à eux ou qui vont les contredire ne vont leur causer aucun tort. Et ils seront ainsi jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est la preuve que peu importe qu'il y ait des groupes ou des individus qui vont s'égarer, il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être sur Al-Haq. Et c'est le groupe victorieux et le groupe sauvé. Ahlus Sunnati wal Jama'a, ou bien ceux qui suivent les Salaf et qui sont les Salafiyoun. Il y a également d'autres hadiths qui sont mentionnés, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'islam il a commencé étrange. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. L'islam est commencé d'une manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle est commencée. Alors bonne nouvelle aux étrangers, bonne nouvelle aux étrangers ou aux ghuraba. Et il mentionne dans un hadith que les ghuraba ce sont alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Il dit que ce sont ceux qui les ghuraba, les étrangers, ce sont ceux qui réforment ce que des gens ont corrompu après moi de ma sunna. Et dans une autre narration, alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, c'est-à-dire ce sont ceux qui se réforment eux-mêmes lorsque les gens sont devenus corrompus. Et ça, ce sont des narrations qui se retrouvent, comme par exemple la première dans des hadiths comme rapportés par l'imam al-Tirmidhi, et on peut le retrouver aussi dans celle de la hadith al-Sahiha numéro 957, et également yani d'autres références aussi. Donc tout ça pour dire que ça c'est les preuves au sujet de la salafia, et qu'il faut suivre les salafs, et que pour être un sunni, un vrai sunni, et de, quelqu'un qui prétend être sunni, il faut qu'il s'éloigne de toutes les bid'ahs. Et que si quelqu'un fait des bid'ahs, et qu'il prétend être un sunni, il ment. Parce que il n'est pas sunni dans ce cas-là, il est bid'i. Il n'est pas salafi dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il est mubtadi'. Parce qu'il a contredit les fondements, les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a. D'accord? Donc ça c'est la distinction entre quelqu'un qui est salafi et qui n'est pas salafi. C'est qu'il suit la sunna et qu'il contredit les sectes qui ont dévié au sujet de la des fondements et des principes de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et comme je disais, cette aqida et ce manhaj, c'est pas inventé par les shuyukh de l'Arabie Saoudite ou par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou par le Cheikh Ibn Taymiyyah. Il y a des livres des salafs qui existent encore aujourd'hui, écrits par les premiers imams, parmi les premiers imams des premiers siècles, des salafs qui résument leur aqida et qui clarifient justement que ces fondements-là font partie des fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ils sont tous supportés par le Coran et la Sunna et par également les paroles des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'in. Et même les gens de Bid'ah, parmi les gens qui ont suivi, qui sont venus après les salafs, même eux, parmi ceux qui étaient dans des bid'ahs, comme par exemple d'autres parmi les Mu'tazila ou les Asha'ira et d'autres, eux-mêmes quand ils parlent de certains aspects de l'aqida des salafs, ils disent, et ça c'est la position des salafs. Donc, même eux, ils savent que les salafs avaient des positions et ils les mentionnent dans leurs livres souvent. Tout ça c'est pour faire comprendre que même les gens de bid'a, parfois, ils reconnaissent les éléments qui font partie de la voie des salafs. Toutefois, ils préfèrent autre que la voie des salafs. Ils disent, ça c'est la position des salafs, mais nous, on a une autre position. Comme s'ils pouvaient avoir une position meilleure que celle des salafs. Ça c'est parce qu'ils déclarent ou parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les salafs ou plus savants que les salafs. Et ça c'est la preuve de leur égarement et de leur ignorance. Parce que parmi les fondements des gens de bid'ah qui ont dévié par la suite, il y a le fait qu'ils ont pris comme référence, au lieu du Coran et de la Sunna, leur intelligence personnelle et leurs opinions personnelles. Et ils pensent que c'est ça la référence. Et ils mettent la raison, leur raison personnelle, leur opinion et leur logique ou leur intelligence par-dessus les textes du Coran et de la Sunna. Et il y en a parmi eux qui ont inventé des distinctions entre les hadiths pour essayer de mettre de côté les hadiths qui sont contraires à leur passion. Donc ils ont divisé les hadiths en mutawatir et ahad. Mutawatir, ils disent, c'est ce qui est rapporté par un très très très grand nombre de personnes, et ahad, c'est ce qui est rapporté par un petit nombre, une personne ou deux. Et donc ils disent, nous on ne prend pas les hadiths qui sont rapportés par un petit nombre, même s'ils sont authentiques. On prend uniquement les hadiths qui sont, hein, dans l'aqidah, ils disent, on prend uniquement les hadiths qui sont mutawatir. Ça, c'est une manière qu'ils ont utilisée pour rejeter la vérité, qui n'est supportée par aucune preuve du Coran et aucune preuve de la Sunna. Et ils se basent également sur des questions de philosophie et de logique de Aristote et de Platon, et ils ont mis ça par-dessus le Coran et par-dessus la Sunna, et ils ont pris ça comme étant des références absolues, suprêmes et supérieures, et qui les protègent de l'erreur. Tandis que pour eux, de se limiter au Coran et à la Sunna, c'est une porte de l'égarement pour eux, et ça peut même amener au kufr, selon ce qu'ils mentionnent dans leur livre. Ça, c'est des groupes d'égarement qui mentionnent ces choses-là, qui sont influencés par les croyances des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiyah aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qui peut être dit, et c'est pour ça que si vous voulez savoir pourquoi certains individus aujourd'hui, quand ils parlent des salafis, ils disent à leur sujet que ce sont une secte ou que ce sont des individus qui sont sur autre chose que sur la vérité, sachez que c'est parce que ces gens-là eux-mêmes ont une compréhension de l'islam qui est basée sur les compréhensions des sectes d'égarement. Que si vous fouillez un peu dans leur manhaj, dans la aqidah, vous allez découvrir que ce sont soit des Mu'tazila, ou des Asha'ira, ou des Maturidiya, ou des Soufiya, ou d'autres qui font des individus qui font partie de ces sectes-là. Et étant donné qu'eux-mêmes sont décalés par rapport à la vérité, et qu'ils ne connaissent pas le juste milieu, ils considèrent que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sur ces fondements-là qu'ils ont inventés, sont des gens de bid'a, et qu'ils ont dévié du droit chemin. Donc c'est pour ça, si vous entendez ces gens-là, sachez que s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont dévié. Si vous entendez des khawarij qui parlent des gens qui suivent la voie des salafs, vous allez voir qu'ils les traitent de murji'a. Si vous entendez des murji'a qui parlent des salafis, ils vont dire que ce sont des khawarij. Si vous entendez des mu'tazila parler des gens qui sont sur la voie des salafs, ils vont les appeler en disant que ce sont des hashwiyah, que ce sont des gens qui se basent sur le hadith, hein, et qui n'ont pas de raison ou de compréhension, qu'ils prennent seulement le sens apparent des textes. Et si vous regardez qu'est-ce que les soufis et les jeunes bid'a qui suivent des superstitions, qu'est-ce qu'ils disent? Ils critiquent les salafis et ils disent que ce sont des gens qui rejettent les paroles de nos awliya ou leurs rêves, le rêve que ces gens-là font, qui se basent sur leurs rêves pour établir des choses dans la religion, ou qui se basent sur d'autres idées qu'ils peuvent avoir parmi les inventions qu'ils ont faites. Hein? Donc, de chaque côté, peu importe de quel côté tu te mets, tu vas voir que selon l'extrême ou la position extrême de ces groupes de bid'a, tu vois qu'ils critiquent les salafis par rapport à leur position parce qu'eux-mêmes sont dans l'extrême. Et c'est pour ça que pour connaître la vérité, pour connaître le groupe qui est sur la vérité et qui suit réellement les salafs, il faut connaître la vérité des principes et des fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a et de la voie des salafs. Et ce n'est pas juste de dire avec la bouche « je suis salafi » ou « un tel est salafi » ou « un tel n'est pas salafi ». Il faut savoir pourquoi il est salafi et qu'est-ce qui fait qu'il est salafi, et s'il n'est pas salafi, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas salafi et pourquoi il n'est pas salafi. Et c'est ça qui est important, et de connaître les preuves et les arguments qui sont reliés à ça, et non pas de se baser uniquement sur l'appellation, de dire « je suis salafi » ou « je ne suis pas salafi ». Et maintenant, tout le monde, tellement ils ont compris l'honneur et la fierté qu'il y a dans le fait de se dire salafi, tout le monde veut se dire salafi, même les gens de bid'ah. Et c'est pour ça que vous trouvez des gens aujourd'hui qui sont des soufis qui se disent salafis. ou bien qui sont des khawarij, qui sont des salafis ou qui se prétendent salafis. Mais si vous leur demandez qu'est-ce que ça signifie d'être un salafi et quelles sont les conditions pour être un salafi et qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de la salafia, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la salafia réellement. Ils ne connaissent pas les fondements et les principes de ce manhaj, de cette da'wah. Et c'est pour ça qu'il faut retourner aux fondements et aux principes. Et donc, parmi les groupes contemporains, comme les, par exemple les Ikhwan al-Muslimin, hein, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la salafia. Et les soufis, parce que les soufis de Jama'at al-Tabligh, eux non plus ne connaissent pas la salafia. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie d'être un salafi. Parce que dans leur croyance, il y a toutes sortes de bid'ah. Dans la croyance des Ikhwan, il y a toutes sortes de bid'ah. Et ils ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de la aqidah des salafs et vis-à-vis des ulama de Ahlul Sunnah al-Salafiyoun. Parce qu'eux-mêmes sont dans des déviations. Et donc, je vais terminer cette conférence, Inch'Allah, parce que là déjà ça fait très longtemps. On va la diviser en deux parties, Inch'Allah. Parce que je vais la couper en deux. Mais c'est pour dire que je vais énumérer des éléments qui sont présents dans les différents groupes contemporains, dans différentes sectes, qui s'opposent au manhaj des salafs et à la aqida des salafs, et qui font qu'ils ne sont pas salafis. Et par exemple, les Ikhwan et d'autres également. Appeler les gens à la croyance de Wahdatul Wujud. Croire que tout est Allah et que Allah est tout, comme certains soufis. Ça fait sortir de la salafia et ça fait sortir de l'islam aussi. De faire du shirk akbar, d'invoquer d'autres que Allah. D'appeler à la liberté de croyance individuelle. Ça aussi, ça fait sortir de l'islam et de la salafia. D'appeler à l'unification des religions. Ça aussi, ça fait sortir de la salafia et de l'islam. D'appeler à faire des mosquées et des églises réunies ensemble. Une mosquée et une église en. Les deux dans la même, hein, comme ils font maintenant dans certains lieux publics. Ou de faire publier la Torah et l'Injil et le Coran dans un seul couvercle. De dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas coufards, ça fait sortir de l'islam et ça fait sortir de la salafia. De croire que les règles et les lois fabriquées par l'homme, hein, comme la laïcité et les droits de l'homme et la démocratie, que ça c'est équivalent à la charia d'Allah. Que les lois que les hommes ont inventées ou les coutumes qu'ils suivent sont équivalentes à la charia d'Allah. Ça c'est des croyances qui existent chez certains et ça fait partie de ce qui fait sortir de l'islam et qui fait sortir également bien entendu de la salafia. De ceux qui disent que d'invoquer les morts, d'invoquer les morts c'est pas de l'idolâtrie. Ça c'est des choses qui font sortir de l'islam, qui font sortir de la salafia. D'appeler au secours des morts quand on est malade ou bien quand on est en détresse. Ça fait sortir de l'islam et de la salafie, parce que c'est shirk. Ou de croire que quelqu'un peut nous aider après qu'il soit mort. Et de croire que c'est permis de lui demander de nous venir en aide. Hein? Comme ceux qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut leur venir en aide après sa mort. Ça c'est shirk, c'est kufr. Également, il y a des égarements qui ne font pas nécessairement sortir de l'islam, mais qui sont des choses qui font sortir de la salafia, qui amènent à la bid'ah. Ceux qui disent, on n'a pas de problème avec les juifs, des problèmes religieux. Notre problème entre nous et les juifs, ce n'est pas religieux. Hein? Ceux qui disent que... Il y en a ceux qui abandonnent le manhaj du professeur, ceux qui n'appliquent pas comme il faut al-wala wal-bara. Hein? Qui ne se base pas sur le prophète Ibrahim et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour établir al-wala wal-bara. De considérer les rafidahs, hein, comme étant des musulmans. Ça, c'est des égarements. De croire, par exemple, ou de mélanger les différentes sectes ensemble. Asha'ira, Mu'tazila, Jahmiya, hein, de les réunir dans un seul groupe. Ça, c'est ce que font les jeunes bid'ah. D'établir la règle de dire qu'on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge. Sans spécifier que ce soit les questions du jihad ou que ce soit des questions de aqida et de fondement dans la religion. Ça, c'est grave. Hein? Il y a les gens qui permettent, par exemple, qui rendent licite le mensonge. de se moquer des ulama, les salafiyins, faire le takfir des musulmans, et d'appeler à la rébellion, ça on en a parlé, d'appeler à des groupes et des partis au nom de l'islam. Hein, d'appeler à, donc on a parlé de ça. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont énumérés, mais ça c'est parmi ceux qui sont les plus importants. De faire des partis politiques, d'appeler à la démocratie, de donner la bay'a à un groupe ou à un individu en dehors du dirigeant, d'appeler à la liberté de croyance, et de croire que les juifs et les chrétiens peuvent rentrer au paradis après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans se convertir à l'islam. Il y a toutes sortes d'autres points comme ça qui sont des points très très graves. Également, parmi ces points-là, nier par exemple que nier que Isa va descendre à la fin des temps, se baser sur la raison comme étant un fondement dans la législation, hein, ça aussi c'est grave, et surtout quand tu le places devant le Coran et devant la Sunna, d'appeler à une nouvelle interprétation de l'islam, une nouvelle interprétation du Coran, et dire qu'il faut relire l'islam, relire le Coran et la Sunna, et interpréter d'une manière différente le Coran et la Sunna à notre époque, hein, pour faire plaisir à des individus ou à des groupes. D'appeler à faire un nouveau fiqh islamique, ou une nouvelle pensée islamique, ou une nouvelle usul al-fiqh, des nouveaux fondements du fiqh. Hein, de nier la peine de l'apostasie, et de dire que ça ne fait pas partie de l'islam, que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam. De nier la lapidation, hein, et de nier yani l'ijma, ou bien de dire qu'il faut renouveler l'ijma et le qiyas. D'appeler par exemple à faire de la chanson et de la musique islamique. De nier le hijab, on pourrait rajouter ça aussi. Et tous ces éléments-là sont des choses qui sont en opposition avec les principes et les fondements de cette da'wah et de ce manhaj. Et il y a beaucoup d'autres éléments, encore comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres éléments, hein, de célébrer le Mawlid al-Nabawi et d'appeler à ça. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'opposent au manhaj salafi. Donc, c'est un petit résumé et ça fait comprendre, en fait, j'essaie de toucher à tout, c'est pas possible, hein, une seule conférence, mais bon, j'essaie de toucher à tout pour résumer et pour faire comprendre que, donc, la salafia, c'est pas seulement ce que j'ai mentionné aujourd'hui, mais également d'avoir le bon comportement, d'être respectueux et d'obéir à nos parents, de s'éloigner de tout ce qui est haram et de faire tout ce qui est obligatoire et d'essayer de faire tout ce qui est recommandé également. Et de s'éloigner même de ce qui est détestable. Également d'appeler au bon comportement, d'appeler à donner aux pauvres, hein, d'appeler à ordonner le bien, interdire le mal, de respecter en fait tous les principes de l'islam en entier sans en délaisser une partie, de faire le djihad avec les dirigeants musulmans et lorsqu'on a la capacité de le faire, hein. Et de réfuter les groupes de bid'a et les gens de bid'a, et de mettre en garde contre les égarés, d'expliquer donc aux gens le tawhid. Tout ça, c'est des choses qui font partie de ce manhaj et de cette da'wah. Et donc, ce n'est pas une secte ou un groupe nouveau, mais c'est de suivre l'islam tel qu'il est. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant, inshallah. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et j'espère que j'ai réussi à clarifier les points qui sont ambigus et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs. Si j'ai dit quelque chose qui était incorrect, c'est de moi et c'est du shaitan. Et si j'ai dit quelque chose de bien, alors ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à lui le remerciement. بارك الله فيكم et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse faire cette conférence aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui ont participé et les mashaykhs et les tulab al-ilm et les frères qui traduisent, ainsi de suite. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre tous de sa miséricorde. Je m'excuse d'avoir été trop long encore une fois, Inch'Allah. Bon, je, en tout cas, moi pour ce qui me concerne, Inch'Allah, maintenant, je vais terminer, je vais faire la salat et puis je vais commencer un autre cours par la suite dans ma salle, l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya, Inch'Allah. Puis demain, Inch'Allah, il y aura une autre intervention de ma part et après les autres frères. J'espère que ça a été bénéfique et utile pour vous tous. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous laisse fermer, inshallah. Inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.